Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain pour la fin de l'année. Une petite annonce particulière, je voulais vous parler du Club Nef, qui est une plateforme en ligne et gratuite. C'est une plateforme de consommation responsable qui a été créée par la Nef, banque éthique coopérative qui finance ce podcast depuis plusieurs années. Le Club Nef, vous allez voir, c'est fort à propos avec la fin d'année qui arrive. Il ne veut pas nous donner envie d'acheter à bas prix, dans l'immédiat et de manière impulsive. Donc c'est un peu marrant quand même de faire de la promo pour ça. Le club, il encourage les achats réfléchis dans des enseignes respectueuses de l'environnement et de l'humain. Et vous allez pouvoir vous connecter sur leclubnef.com. Vous y trouverez des réductions chez WeDressFair, OE ou encore les éditions en cavale. En fait, il y a plein de personnes à qui j'ai donné la parole qui sont sur le Club Nef. Donc, c'est vraiment la grande communauté des 2030 Glorieuses et la Nef et de toute manière la banque des 2030 Glorieuses. Voilà, ça c'est dit. Bonjour. Bonjour. On est dans un cadre un peu particulier, ce qui fait que les personnes qui nous écoutent actuellement dans le podcast 2030 Glorieuses vont peut-être se dire, mais tiens, c'est bizarre cet environnement sonore. C'est normal. On est là pendant les rencontres de l'économie régénérative à Lyon qui ont lieu à l'Hôtel Dieu. Avoir lieu à l'Hôtel Dieu, c'est dur à dire. Et c'est génial parce que ça me permet de rencontrer des gens géniaux, de recroiser des gens que je ne connaissais pas depuis longtemps parce que c'est quand même un petit monde. Et à la fois, de rencontrer des personnes que j'aurais dû rencontrer il y a longtemps pour la première fois aujourd'hui. Et c'est notamment ton cas, Léa Zaslavski. Parce que Léa, toi, tu as cofondé Make Sense. On va en reparler plus longuement. Tout à fait. Et tu fais partie de celles et ceux qui sont sur ces sujets de l'engagement, de la citoyenneté depuis en fait hyper longtemps. Make Sense, c'est plus de 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, on va parler de ça. On va parler de comment faire communauté. On va parler d'engagement citoyen et de quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup chez Make Sense et qui traverse toutes vos actions. C'est la joie. La joie militante. Et ça, j'aimerais bien qu'on en reparle. Imagine, on est dans un événement où il y a plein de personnes qu'on ne connaît pas. Et ces personnes viendraient à te dire, mais toi, tu fais quoi, Léa, dans la vie? Comment tu réponds à cette question? Comment tu te présentes en 2025? Alors, ça dépend beaucoup de qui me pose la question habituellement. Mais comme là, les auditeurs et les auditrices sont multiples, moi, généralement, je dis que je suis à la fois entrepreneuse, investisseuse et militante. Entrepreneuse, oui, parce que... j'ai vu ça sur ton LinkedIn. Ouais. Entrepreneuse parce que j'ai cofondé l'écosystème associatif Make Sense et que c'est une vraie aventure entrepreneuriale qui est une aventure collective, notamment avec Alizé Lozac-Meur et avec Coralie Godou. Investisseuse parce que la plus grande partie de mon temps opérationnel aujourd'hui, je le fais en gérant un certain nombre de fonds d'investissement qu'on a chez Make Sense. Et militante parce que pour moi, on a une activité aussi qu'on réalise depuis des années qui est militante. Et par ailleurs aussi parce que j'ai travaillé dans une campagne politique il y a 2 ans maintenant pour les européennes. Et donc, ça m'a aussi fait un petit plongeon dans le militantisme politique avec les écolos. Et j'étais directrice de campagne pour Marie Toussaint. Ah ouais, Marie Toussaint, excellent. Tête de liste pour les européennes. Non, pas un beau résultat. Non. On a fait 5,25%, ce qui n'était pas du plus tout... Plus de 5% vis-à-vis. C'est, mince, c'était les 14% de Jadot et tout ça. C'était il y a plus de 5 ans. Ah oui, le référentiel. Mais en même temps, le contexte, ça a vraiment changé. Ouais. Et on pourra en reparler parce que ça a aussi beaucoup joué. Et c'était assez fascinant d'être aux premières loges aussi de cette... révolution où on passe d'un moment hyper porteur pour les sujets climat à, au contraire, un espèce de backlash et une espèce de résistance de la société. Oh là là. Donc c'était aussi passionnant. C'est la frustration parce que tu vois, les épisodes ils durent 45 minutes et là je sais que ça va pas être assez. Alors du coup, je m'excuse d'avance, mais de temps en temps, tu vas voir que j'ai envie d'aller à la question d'après et je vais parfois t'interrompre. Aucun souci. Voilà, c'est dit. Avec les 2030 Glorieuses, moi j'aime bien poser la question, en tout cas faire porter la charge de la décroissance à celles et ceux qui la méritent vraiment, et en disant que c'est ceux qui sont les tenants du monde d'hier qui sont les décroissants. On entend souvent, peut-être que tu vois ce que je veux dire, que c'est les écolos les décroissants, alors qu'en fait, moi je pense qu'au contraire, on est les porteurs de nouvelles croissances. Et même, j'aime bien remplacer le mot croissance par le mot abondance, mais en fait, les décroissances, elles sont là, visibles dans notre monde en 2025, partout. Il faut juste les nommer. Décroissance de sens, décroissance de liens, décroissance d'espérance de vie en bonne santé, décroissance de démocratie vivante. Enfin, il y en a énormément. On pourrait passer 45 minutes à faire cet exercice. Toi, est-ce que tu arriverais à nommer la décroissance de notre époque à laquelle tu t'attaques? Si oui, quel est le pendant négatif, la pièce de la monnaie inversée avec la croissance du coup pour laquelle tu t'actives en réalité, peut-être même les croissances, les abondances pour lesquelles tu t'actives tous les jours? Bien sûr. Nous, alors je n'ai pas tout à fait présenté Make Sense, mais notre mission, c'est de redonner le pouvoir d'agir à tous, qu'on soit citoyen, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant d'entreprise, étudiant, etc. Et en fait, la façon à laquelle on le fait, c'est qu'on permet de tisser des liens entre des personnes qui sont engagées, d'autres moins, et on crée surtout de l'empathie. Et moi aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, et c'était pas forcément le vocabulaire qu'on avait il y a 12 ans, mais ce sur quoi on travaille en réalité depuis 12 ans, c'est comment on tisse des liens, comment on crée des ponts entre différents univers pour justement lutter contre la polarisation de nos sociétés et pour s'assurer du faire et du vivre ensemble. Donc nous, souvent, on dit que notre théorie du changement, c'est faire vivre des expériences transformatrices à un maximum de personnes pour qu'ils puissent acquérir des savoir-être, donc des savoir-faire basiques qui sont l'esprit, enfin des savoir-faire fondamentaux plutôt que basiques qui sont l'esprit critique, qui vont être la capacité à imaginer un avenir désirable, le fait d'être en capacité d'agir justement, la capacité à faire collectif et surtout s'inscrire dans le vivant. Et ça, cette question du lien au vivant et le fait qu'on se réintègre justement dans le vivant, pour moi, c'est absolument fondamental. Ça a été une des raisons pour lesquelles on a toutes sortes de dominations, celles évidemment des humains sur le reste de la nature ou du vivant, mais aussi femmes, hommes, certains humains sur d'autres humains, etc. Ça vient aussi de cette déconnexion, de se sentir bien supérieur. Et je pense que quand on recrée ce lien, quand on regagne en empathie, on se remet aussi à sa juste place, bah ça crée justement des dynamiques collectives beaucoup plus favorables. Je me rends compte en t'écoutant que c'est hyper rare d'arriver à avoir des spécimens comme toi. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même assez longtemps que tu travailles sur ces questions-là. Et donc, tu as vu la société évoluer. Tu disais notamment que votre manière de mobiliser, de raconter Make Sense, c'était pas du tout la même en 12 ans. Est-ce que tu pourrais, plutôt que de faire un voyage dans le futur, faire un voyage dans le passé en essayant de te rappeler ce qui était différent? Et derrière cette question, c'est est-ce qu'on a quand même gagné certaines choses? Si votre discours évolue maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a eu des nouvelles normalisations, des nouvelles évidences avec notre époque? Tout à fait. Nous, quand on s'est lancé, en fait, on était dans un monde où il y avait vraiment le non profit d'un côté, le fort profit de l'autre. Et en fait, les entreprises qui façonnaient le monde, c'était Uber sur notre façon de nous déplacer, c'était Airbnb sur notre façon de se loger, c'était Facebook sur notre façon de communiquer. Et en fait, il y avait ces espèces de mastodontes américains qui changeaient notre façon de vivre ensemble. Et donc, on se disait, mais c'est incroyable, en fait, le pouvoir de ces entreprises sur notre quotidien. Sauf que les entreprises n'étaient plus des structures qui étaient tournées vers l'intérêt général, vers le bien commun, mais uniquement vers la maximisation du profit. Et à côté, il y avait tout le secteur associatif, non-profit, aussi les fondations et autres, qui n'avaient pas forcément ce même pouvoir, en fait, transformateur. Et donc, on s'est dit, et si on mettait le pouvoir transformateur des entreprises et de l'économie classique à nouveau, parce que c'est en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein, mais c'est des cycles, à nouveau au service de l'intérêt général. Et donc, on a pendant 3-4 ans parlé d'économie sociale. Il y avait déjà des pionniers qui bossaient dessus, qui l'avaient développé. Mais nous, on faisait tous nos pitchs en disant « Bonjour, est-ce que tu sais que ça existe, l'entrepreneuriat social ?» Et les gens nous regardaient avec des yeux écarquillés en disant « Ah fou, bon hein. ?» Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Et en fait, nous, on a vu les 4 premières années, tout ce travail qu'on n'a pas du tout fait seul, encore une fois, on a été un des acteurs qui a participé, mais ça a été vraiment un travail collectif à démocratiser ces sujets-là. 2019, on voit qu'il y a une vraie bascule avec les marches climat, Greta Thunberg, etc., élection de Yannick Jadot notamment, où en fait, il y a une prise de conscience collective qui est en train de se faire. Le Covid arrive, il y a le monde avant, le monde après. Et là, il y a vraiment un moment hyper porteur qu'on a eu entre 2020 et je dirais 2023-2024 sur « Ok, les choses doivent changer et surtout, elles peuvent changer ». très porteur d'espoir. Les fraises du climat qui ont sensibilisé quasiment 2 millions de personnes en France. C'est juste dingue. Et donc là, nous, on s'est retrouvés dans... Au départ, on faisait de la pédagogie. Et à un moment, on s'est dit, OK, c'est hyper mainstream, ça y est, on est en train de changer, hyper positif. Et là, boum, bah, comme tout changement, au moment où il est sur le point d'advenir, le système résiste, il réagit et on est en train de se prendre une claque. Néanmoins, moi, je reste hyper positive parce qu'il y a des choses qui ont bougé, il y a des gens qui ont été sensibilisés et il y a un certain nombre de personnes pour qui il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc maintenant, il faut tenir. C'est juste que c'est beaucoup moins... On y reviendra, mais parfois joyeux et parfois... quand tout le monde part ensemble, il y a une simplicité, une évidence. Là, maintenant, il faut résister. Ouais. C'est un peu plus difficile, mais c'est là qu'il faut tenir. J'en profite pour toi et à travers toi, toutes les personnes qui se sont engagées à un moment ou à un autre avec Make Sense pour... Ouais, vous remercier parce que c'est vrai que moi, quand je rentrais de l'écosystème des ONG dans lequel j'avais passé quelques années et que je suis arrivé à Paris, l'un des premiers endroits où je suis allé, c'était le Sense Space. C'est vrai. Génial. Où, du coup, il y avait effectivement tout un tas de conférences sur est-ce qu'il y a une économie qui a du sens. Je me rappelle de conversations hyper chouettes justement entre différences et liens entre l'ESS et l'associatif. Et c'est vrai que le Sense Space est devenu un lieu où j'allais souvent pour comme ça m'alimenter, rencontrer, sentir que j'appartenais une des premières communautés là sur ces personnes qui avaient envie d'être un peu à la marge. J'avais plus envie d'être dans les ONG, je me posais la question de ma place dans les associations et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez vibrant dans cet écosystème que vous participez à créer, donc merci pour ça. Ouais, grand plaisir. Je m'en rends compte en t'écoutant. et là maintenant j'ai l'impression que ce que tu commences à nous dire d'une certaine manière, et j'aimerais bien savoir si vous l'aviez conscientisé, c'est que vous travaillez aussi aux soins. Et donc tu disais il faut tenir et donc il faut identifier toutes les violences, mais aussi du coup s'entraider, se dire qu'on est là, se dire qu'on est là pour l'un pour l'autre, et puis faire émerger des conversations, des mots comme celui de santé mentale qui est de plus en plus présent par exemple. Est-ce que c'est un travail que vous avez stratégisé, stratégifié, enfin en tout cas conscientisé? Oui, en fait on s'est beaucoup re-questionné il y a quelques années sur quel était vraiment notre rôle justement avec cet écosystème qui était devenu plus mature, mais aussi ces résistances qui étaient en train d'émerger et de se dire nous, qu'est-ce qu'on fait ? Notamment parce qu'il y avait aussi un certain nombre d'acteurs qui avaient émergé, comme par exemple XR, Extinction Rebellion et autres. Et donc, la question de se dire où est notre place ? Et en fait, nous, notre place, c'est vraiment de créer des ponts. C'est de continuer à tisser des liens entre des univers qui ne se comprennent pas, ne se parlent pas et généralement, même ne se retrouvent pas physiquement dans les mêmes espaces. Et ça, c'est absolument fondamental parce que c'est justement à travers tous ces liens qu'on tisse au prétexte d'une formation, au prétexte d'une incubation, au prétexte d'un événement, qu'en fait, on peut réactiver de façon beaucoup plus rapide et efficace. Et on l'a vu pendant le Covid, on a monté un programme qui s'appelle Réaction. En 3 semaines, il y avait 20 000 personnes qu'on a réussi à mobiliser pour justement agir dans différents pans de la société. Et 20 000 personnes, ça a l'air de rien, mais c'est loin d'être évident parce que c'était de l'engagement physique de personnes vraiment en direct. Et ça, c'est parce qu'on avait toutes ces connexions qui avaient été tissées et qui peuvent se réactiver. Et donc, cette question du soin, elle est absolument fondamentale parce qu'une relation, en fait, ça s'alimente. Il faut l'entretenir, il faut la nourrir, c'est comme dans un couple, hein, on dit toujours il faut. Et donc comment on travaille à créer ces espaces où les gens se sentent moins seuls, parce qu'on a vu aussi toutes les questions d'éco-anxiété, les jeunes, enfin c'est, on dit les jeunes mais en fait l'éco-anxiété c'est pour tout le monde, burn-out militant. Exactement. Et donc d'avoir ces espaces où nous on a pas mal aussi d'espaces où on permet à des pairs, par exemple des entrepreneurs engagés, de se retrouver et où ils se rendent compte qu'ils partagent en fait les mêmes problématiques. Parce qu'il y a vraiment aussi cette solitude parfois de la personne engagée où son entourage est un peu en décalage, où parfois même ses amis ne comprennent pas et où en fait il faut se dire bah si tu n'es pas seul en fait, et il y a d'autres personnes qui sont là pour t'aider, et tu n'as pas non plus la responsabilité de tout faire, parce que ça c'est aussi important en fait. Moi je ne crois pas, et nous on ne veut pas promouvoir la vision du super-héros ou de la super-héroïne qui va sauver le monde. C'est le collectif qui va sauver le monde. C'est pas un entrepreneur qui va nous sauver ? Non. C'est pas Hugo Clément ? Non. Chacun fait sa part. mais cette notion de collectif, elle est hyper importante parce que, en fait, on est vraiment brainwashed dans ce système où on nous dit chacun doit réussir et on va être sauvé par des super-héros. On parlait juste avant l'émission de tous ces jeux d'enfants qu'on avait. Il y a toujours des super-héros, les Mario Kart et autres, qui vont justement arriver à tout défoncer. Mais en fait, sans leur équipe, sans les personnes avec qui ils travaillent, sans les autres, ils n'y arrivent pas. Et ça, nous, on œuvre beaucoup, en tout cas, à essayer de transformer cet imaginaire. Transformer les imaginaires avec, en plus, je trouve, de la communication qui aujourd'hui sert beaucoup à la fois pour visibiliser des actions, mais justement poser au centre des débats de nouvelles questions, de nouveaux enjeux. Et donc, il y a Chiche, il y a la communauté des paumés, il y a plein de choses qui font que Make Sense, pour moi, ça reste un espace où on peut éclairer des angles morts plutôt que simplement faire nombre. Est-ce que ça aussi, c'est conscientisé pour vous d'essayer d'ouvrir la fenêtre d'Overton du bon côté ? Tout à fait. Nous, ce que je disais en intro, on a vraiment 5 piliers. Et le premier pilier, c'est de travailler à l'esprit critique, à comment chacun, chacune arrive à se faire un avis et pas essentialiser les avis. On a accompagné, nous, une structure qui malheureusement s'est arrêtée, mais qui était formidable, qui s'appelait Le Dranche. C'était génial. C'était génial avec Florent. Exactement. Eh oui. Et qui était droite, centre, gauche, concentré, ça fait Le Dranche. Et en fait, sur chaque article, il y avait un point de vue d'une personne pour, d'une personne contre. Et ça permettait de montrer qu'il n'y a pas juste les gens qui ont raison et les gens qui ont tort, les gentils et les méchants. Il y a en fait des vécus, des expériences, des intérêts qui sont différents et que il faut aussi comprendre la position de l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas forcément dire que l'autre est à rejeter. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans toutes les campagnes, c'est-à-dire pour il y a plein de monde qui travaille là-dessus sur les questions aussi d'extrême droite, de RN et autres. C'est qu'en fait, c'est pas en disant à quelqu'un qui vote extrême droite tu es con et tu es idiot que tu le fais changer d'avis, c'est en comprenant pourquoi. Bien sûr. Il pense ça. Et donc ça, nous, c'est absolument essentiel de travailler à mettre des sujets et les mettre en contexte pour que chacun puisse développer un esprit critique. Et aussi essayer de s'indépendantiser de toutes les plateformes qui décident aussi du contenu qu'on a. Donc ça, c'est un de nos enjeux. Et en plus de passer par une newsletter, ça permet de se défaire des algorithmes. Ça aussi, c'est quelque chose de central. Exactement. J'étais assez proche d'une je ne sais pas comment vous les appelez, des institutions, des plateformes, parce qu'il y avait Jobs aussi, de Tout Jobs That Make Sense, avec Fabien, avec qui on est en lien souvent, parce que je travaille avec les 2030 Glorieuses d'abord sur la question des métiers. Et là aussi, je trouve que c'est une belle plateforme parce que ça donne à voir, ça accompagne, ça fait réfléchir. Mais ça a aussi, de temps en temps, permet d'avoir des temps communs où on se retrouve entre paumés, justement, qui est aussi une de vos plateformes. Vous êtes partout, mais c'est tentaculaire, mec. C'est un délire maintenant que je le dis à votre. Et la dernière question que je voulais te poser avant qu'on parte en 2030 glorieux, c'était finalement jusqu'à quel point aussi vous voulez pas rendre un peu obsolète le monde dans lequel on vit, parce que tu te disais investisseuse tout à l'heure. Pour les personnes qui nous écoutent, là on est l'après-midi d'une journée aux rencontres de l'économie régénérative, et le matin j'ai donné la parole à Fabrice Bonifay, qui en général assez mise en avant sur ces sujets. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast. Et avec Fabrice, je lui disais, moi je t'admire parce que franchement toi tu as été 30 ans au contact de ce monde qu'il faut faire évoluer, pour le dire gentiment, voire carrément saboter. Moi, je sais pas comment t'aurais fait, parce que franchement, pour moi, c'est une énergie qui est tellement harassante, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une énergie à côté de rendre sexy un autre monde et donc désuet le monde d'hier. Tout à fait. Moi, je pense que c'est indispensable de montrer qu'il y a des rôles modèles et surtout que ça existe. Il faut qu'on lutte contre le discours de l'inaction qui dit que c'est pas possible et que c'est aux autres de faire. Et ça, nous, on a accompagné des dizaines et des centaines d'entrepreneurs à impact. Ou même il y en a d'autres qui nous ont inspirés, qu'on a soutenus. Thomas Uriez, quand il monte 1083 et qui montre que c'est possible de produire des jeans en France à des prix accessibles, en fait, il fait déjà bouger les lignes. C'est pas très loin d'ici, hein. Tu sais, c'est exactement un roman sur Isère dans le 38. Là, ouais. Donc c'est, est-ce que la mode a été transformée de façon fondamentale encore ? Non. Il y a Shane qui vient d'arriver au BHV, donc on n'a pas encore gagné la bataille culturelle. Mais par contre, on a des arguments pour dire, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'autre manière de faire que de délocaliser, non, ce n'est pas vrai. C'est un choix de société, c'est un choix politique. Et nous, notre rôle, ça a été de toujours accompagner ceux qui faisaient différemment, valoriser ce qu'ils faisaient et pas les mettre en contre. Les mettre en, il y a une troisième voie qu'on peut prendre et on vous invite à la découvrir, à la rendre désirable et ensuite à vous engager pour qu'elle advienne une voie majoritaire. Et c'est vraiment ça le chemin qu'on fait. Au national, tu parles là pour l'instant d'exemples nationaux. Moi, quand j'étais aux Philippines, il y avait un Make Sense Philippines. Tu te rends compte ? Est-ce que tu peux nous raconter toujours, un peu cette envie aussi de mondialisation, de se dire que s'il se passe des choses en France, ça peut pas que rester en France. Et oh là là, quand on était dans les ONG, on nous alertait beaucoup sur le néocolonialisme des ONG. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de néocolonialisme militant, tu vois ? Comment vous gérez un peu cette posture pour être des créateurs d'espace plutôt que des donneurs de leçons ? Vous avez sans doute pensé à ça. Make Sense, ça a vraiment un ADN international dans son origine. Et donc c'était vraiment une communauté de citoyens partout dans le monde qui disait les solutions vont être locales, mais comme les problèmes sont globaux, il faut qu'on puisse se connecter et s'inspirer. Et donc très rapidement, de façon très organique, on a eu en effet Make Sense aux Philippines, mais aussi au Liban, au Mexique, au Sénégal, qui se sont développés avec à chaque fois soit des partenaires locaux qui nous contactaient, soit des anciennes personnes de Make Sense qui étaient bénévoles quelque part et qui ensuite se déplaçaient. Néanmoins, cette question, ça a été pas mal développé avec à la fois toujours l'idée de dire qu'il fallait qu'il y ait des personnes locales, nationales qui passent à la tête de ces antennes-là dans les 2-3 ans maximum ou après qu'elles aient été créées, si ça n'avait pas été fait de façon native, parce qu'on a eu par exemple des VSI, donc voilà. Par contre, à partir de 2020, nous on se disait avant qu'on était vraiment très frères et sœurs et on était très intégrés. Après le Covid, où en fait la question aussi des déplacements en avion c'est bouleversé. En fait, en 2013 ou 2014, on prenait l'avion de façon complètement, sans se poser de questions. Moi, je suis allée pendant 3 ans, 4 fois par an au Mexique, aller monter le bureau là-bas. N'ayons pas cette conversation, s'il te plaît. Et donc, à partir de 2020, on ne voulait plus trop prendre l'avion autant. Il y a eu le Covid qui nous a séparés. Et donc, en fait, et puis aussi, on a pris d'autant plus conscience aussi de ces questions néocolonialistes. Et donc, en fait, chaque antenne est devenue encore plus indépendante. Et donc, aujourd'hui, je pense que Make Sense Philippines, Make Sense Sénégal, Make Sense France, ça c'est pas exactement la même chose. Il y a un ADN commun, il y a une mission commune, mais chacun est complètement libre de ses actions, de ses activités, et c'est porté par des locaux, en fait. Et ça, c'est absolument indispensable. Et c'est pour ça que moi, je me permets plutôt de donner des exemples en France, parce que c'est là où je me sens légitime, et plutôt de leur donner la parole si on veut parler de leur territoire. En tout cas, votre exemple est hyper inspirant. Moi, je t'avoue que du coup, si c'était un peu intéressé comme question, parce que le podcast 2030 Glorieuses a donné naissance à un atelier prospectiviste, les 2030 Glorieuses, qui fait la suite qu'on des fraises. Qu'on a fait chez Make Sense. Et là, ouais, il y a de plus en plus de personnes qui, maintenant, font exactement comme ce que vous avez fait il y a 10 ans en arrière, à savoir, ah bah tiens, regarde, je me retrouve à être à Singapour, en République tchèque, en Allemagne, je lance 2030 Glorieuses là-bas. Trop bien. Et après, tu te dis, mais en fait, jusqu'à quel moment ça restera pertinent ? Comment ça peut être un peu repris et un peu mis à la sauce du pays sur place ? Parce qu'en fait, rien que dans le nom 2030 Glorieuses, c'est hyper connoté français. Et à la fois, cette nécessité de rêver, elle appartient à l'humanité en entier. Et donc, ça me questionne. Et donc, ce que tu me dis, Med, j'aurais besoin d'un mentor internationalisation dans quelques années. En tout cas, moi, je crois qu'il faut aussi lâcher prise. Et se dire qu'il y a des choses qui vont se passer que tu ne maîtrises pas. Certaines belles, peut-être d'autres moins, mais que ce n'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Oh, c'est tellement beau, ça fait un poster à mettre. Ouais. Il me brosse dans le sens du poil. On va aller en 2030 glorieuse. Ça, c'est un exercice que moi j'adore faire. Et avant ça, on marque une respiration à chaque fois avec un exercice qui n'était pas très sympa. Je révèle les coulisses de notre interview. Je devais interviewer quelqu'un d'autre aujourd'hui qui a décommandé à la dernière minute. L'équipe organisatrice a dit « Ah bah tiens, moi je pensais à un tel. » J'ai dit « Ah, génial !» Et là, à 20h, j'ai un message de toi, Léa, qui me dit « Bon, ok, j'accepte de participer au podcast 2030 Glorieuses. » Et à Léa, j'envoie la liste des questions et des choses à préparer. Et là, elle m'envoie un message en me disant « Waouh, j'étais pas prête, j'ai énormément de choses, ça rajoute ma to-do list, c'est ingérable, mais ça va me faire du bien, j'ai besoin de prendre la hauteur. » T'as dit ça tout à fait. Ça va me faire un moment de respiration, c'est un cadeau. L'exercice de trouver un livre n'était pas évident. C'est juste que je suis arrivée chez moi et je me suis dit « Oula, attends, faut que je trouve un livre là maintenant. » Et en fait, j'ai pris un livre que j'adore et qu'heureusement, j'avais marqué quand je l'ai lu. Martine à la plage, en plus, c'est une excellente référence. Marielle Massé, Nos cabanes, qui est à la fois poétique et politique. Et comme je l'avais marqué, j'ai eu la chance de relire des passages que j'avais déjà notés et il y en a un qui marchait bien. C'est décidément d'un monde abîmé qu'il s'agit, et abîmé par des pratiques précises. celle du capitalisme avancé et de ce qu'il fait au vivant, au sol, au sentiment même du commun. Et l'enjeu est bien d'inventer des façons de vivre dans ce monde abîmé, ni de sauver, sauvegarder, conserver, réparer, revenir à d'anciens états, ni de survivre, mais bien de vivre, c'est-à-dire de retenter des habitudes en coopérant avec toutes sortes de vivants et en favorisant en tout la vie. Vivre dans ces saccages, ou plus simplement imaginer des pratiques et les loger dans les interstices du capitalisme, dans ce qu'il permet sans le viser, dans ce qu'il ne sait pas qu'il autorise, comme ce food activisme à la fois local et connecté qui retisse peu à peu quelques solidarités en Europe, dans ce qu'il n'avait pas vu, pas prévu, dans ce qu'il ne le regarde pas et qu'il ne sait pas toujours abîmer, nos désirs et nos liens, voire dans tout ce qu'il facilite quand il arrive qu'il le fasse. En fait, moi, dans ma vie, je vais avoir un espace avec des canapés bien confortables, un bon thé, des plantes qui descendent du plafond, des boutures de partout, et on fera ça. On lira des petits textes et on fera ça. Avec plaisir. Qu'est-ce que j'attends ? Bon, en 2030 Glorieuse, je vais faire ça. Ça y est, d'ailleurs, on y est en 2030 Glorieuse. Bien sûr, désolé, je me parle à moi-même, mais on est enregistré. Et donc, merci Léa pour cette lecture, c'était génial. Et tu nous as tout de suite mis en 2030 Glorieuse, là. Les 2030 Glorieuse, donc tu disais que tu avais participé avec Make Sense. C'est un exercice de la pensée où on se raconte le monde qu'on va réussir à développer et qui ressemblera à quelque chose un peu où on aura, entre guillemets, gagné avec, c'est vrai, l'humanité qui s'est enfin mise à la hauteur des enjeux de notre siècle, à la façon de l'humanité, de manière très bordélique, très désordonnée, très chaotique. Et en même temps, c'est aussi ça, l'humanité qui est de temps en temps hyper géniale dans son irrationalité. En 2025, tu t'en souviens, l'irrationalité, elle nous tuait, elle nous plombait, elle nous freinait. Là, on a réussi à remettre notre irrationalité dans le bon sens, au service du vivant dans sa globalité, à coup d'humilité aussi, parce qu'on avait besoin d'être un peu plus humble sur ce qu'on savait faire et les soi-disant solutions, je mets des air guillemets, qu'on pouvait apporter ou pas. C'est ça les 2030 glorieuses. Tout n'est pas résolu, il y a encore plein de pain sur la planche et à la fois on s'y sent bien et le matin on se réveille en ayant la certitude que toutes celles et ceux qui se réveillent sont aussi dans cette dynamique-là. D'accord ? On en parle au présent des 2030 glorieuses qui sont des décennies qui s'ouvrent vers une nouvelle ère. Peut-être que tu es en 2032, en 2038, en 2047, que sais-je, tu peux le dire ou pas, mais on en parle au présent et on raconte ce qu'on voit. On évite s'il te plaît le conditionnel et si tu parles au futur, tu parleras des 2050. Ok, c'est pas évident. On essaye. Et on va faire du mieux qu'on peut. Toi qui y es en 2030 glorieux, je ne sais pas où tu es assis, peut-être dans mon café à écouter des gens lire des histoires, mais qu'est-ce que tu vois ? C'est quoi la première chose sur laquelle ton regard s'accroche en 2030 glorieux ? La première chose que je vois, c'est des arbres, c'est du vivant, c'est de la... C'est du bordel aussi. C'est de la diversité, c'est quelque chose qui est absolument pas uniforme, qui surprend... Qui accroche le regard parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des sons, parce qu'on a envie de se retourner et parce que c'est beau. Ouais, le vivant, c'est beau, c'est poétique. C'est absolument... D'ailleurs, en 2030 Glorieuse, il me semble qu'on a gardé un ou deux jardins à la française maximum pour dire, bah, regardez, à l'époque, on pensait qu'on pouvait prendre la nature et en faire ce qu'on voulait, la plier à notre mesure. Mais c'est maintenant presque une sorte de témoignage de la folie du passé, je crois. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a un mec, il y a très très longtemps, qui a décidé que dans des beaux jardins, il ne pouvait pas y avoir des arbres fruitiers. Ça, c'était un mec. Et clairement, quelle connerie, parce qu'aujourd'hui, on se baladerait dans la rue et au lieu d'avoir des châtaigniers, bon, c'est sympa, même s'il y a quand même un peu trop de pollen, pour une allergique comme moi, malheureusement. En fait, on pourrait se balader et pouvoir marcher dans la rue et pouvoir prendre une pomme, se déplacer, etc. Et moi qui continue à vivre à Lyon, tu vois, je sais qu'en 2025, déjà avait commencé un grand plan de reforestation avec notamment tout un tas d'arbres fruitiers. Et sur la route, c'est génial de pouvoir se balader de temps en temps une mirabelle, de temps en temps une figue et d'être connecté différemment comme ça aussi aux rues avec des souvenirs olfactifs mais aussi gustatifs en fonction de la rue dans laquelle tu passes. Bah, pour moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'on se lève le matin, on entend les oiseaux, On sort dans la rue, on se balade. Et justement, à l'époque, ce qu'on entendait, c'était le bruit des voitures qui faisaient boum-boum. Et aujourd'hui, c'est à nouveau des êtres vivants qu'on entend et des rires d'enfants, tout comme les bourdonnements des abeilles, etc. Et ça, se remettre dans cet univers en fait, sonore, qui est celui, alors évidemment pas d'une forêt parce que j'habite encore en ville, j'ai pas encore sauté le pas, c'est peut-être dans le futur ça justement de déménager, j'aimerais bien un jour, mais au moins je m'y sens bien dans cette ville, elle est pas bétonisée, il y a du quand il pleut l'eau a... des jardins de pluie, il y a des jardins de pluie, mais même on est sur des sols qui permettent justement la perméabilité. On arrive justement à être dans des endroits où ça respire. On voit ce qui était déjà le cas en 2025. On commence à voir que c'est un petit peu le bordel dans la rue. Parfois, il y a des plantes qui émergent de partout. On a arrêté de tout couper tout le temps. C'est quand même agréable. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on marche dans la rue, les gens sourient. C'est fou, ça. Et ça, c'est assez dingue, en fait. Tu te souviens, avant, on voyait quelqu'un qui te souriait dans la rue. On changeait presque de trottoir. Ah bah, clairement. Clairement. C'est... Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, aujourd'hui, quand je souris, je me sens plus seule comme à l'époque. J'ai plus l'impression que ça change la journée de la personne en face de moi parce que tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi on me sourit? C'est très étrange. Et ça change tout parce que du coup, les liens sont beaucoup plus apaisés. On est dans cette époque où on n'est pas dans un stress quand on marche dans la rue de renverser quelqu'un, de se faire agresser, d'avoir quelqu'un qui, avec des personnes dans la rue. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on ne rencontre plus des personnes qui sont en réalité souvent malades, qui sont à la rue, qui ont des problèmes psy et qui ont été abandonnées en fait par la société. Parce que ce qui est génial aujourd'hui, c'est que la même façon qu'on a décidé il y a longtemps, enfin il y a quelques dizaines d'années, que l'école devait être gratuite et accessible, que la santé devait être gratuite et accessible, bah, le logement, en fait, il doit aussi être accessible. Pas forcément gratuit pour tout le monde, mais au moins gratuit, dans un minimum pour ceux qui ne peuvent pas payer et que tout le monde ait un toit, de la même façon que tout le monde a accès à l'éducation. Et ça, c'est un vrai choix de société qui a radicalement changé la façon à laquelle on vivait ensemble. Qui était tellement facile à mettre en place, en plus, parce que déjà en 2025, on avait plus de 3 millions de logements vacants. Donc, c'est pas du tout un problème de disponibilité. Quelques milliers de personnes à la rue, c'était une logistique qui était tout à fait à la hauteur de notre capacité. Ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui avant avaient 5 résidences secondaires et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais heureusement, après avoir été forcés, aujourd'hui ils comprennent qu'en fait avoir pour certains pas de résidence secondaire et pour d'autres une seule, en fait ça suffit. Et surtout, elle peut être partagée cette résidence secondaire parce qu'on n'y va pas toute l'année. Donc en fait, si elle est partagée avec plusieurs personnes, le taux d'occupation est beaucoup plus grand. Et donc ça fait que le jardin, bah, on s'en occupe mieux. Moi, de temps en temps, je joue au loto des résidences secondaires. Tu vois ce que c'est ? Donc effectivement, une grande partie des résidences secondaires qui étaient inutiles parce que 3e, 4e, on les a mis dans une sorte de pot commun. Et donc chaque année, on peut jouer au loto des résidences secondaires pour avoir comme ça la possibilité d'aller passer une semaine dans une résidence secondaire au hasard. Et ça permet, tu vois, de faire tourner les logements. C'est hyper... Du coup, tu laisses vraiment le destin choisir de où tu vas partir en vacances. Et là, on a cette gestion commune de tous ces lieux qui ont été repris. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais bénévole pour ATD Quart-Monde qui avait des centres d'accueil pour les personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Je pense à la Bise, notamment dans le Jura. Ben, du coup, ATD Quart-Monde a aussi facilité, tu vois ça, cet accès aux vacances pour tous et toutes à travers ce grand loto, notamment des maisons secondaires. J'adore. Exactement. Donc ça crée vraiment cette société où quand on est dans la rue, aujourd'hui, on s'y sent bien, c'est pas anxiogène. Et ça notamment parce qu'à un moment, il y a eu une grosse panne électrique. Ça avait été déjà le cas en 2025 en Espagne. Ah oui, mais ensuite, je me rappelle, les gens dansaient dans la rue. Exactement, mais ensuite en 2027, c'est arrivé aussi dans toute l'Europe. Une heure de stress, panique totale, mais en fait, très rapidement, on va dans la rue. On se reconnecte, on est obligé de se parler et ça change le regard. Et à partir de là, ça a vraiment changé aussi la façon à laquelle les personnes interagissaient en se redisant, en fait, j'habite avec des personnes de mon quartier, je suis interdépendant avec eux. Je ne suis pas indépendant de qui ils sont. De la même façon qu'on n'est pas indépendant de cette planète qui nous habite. Et donc, en fait, ce petit shift aussi de se rendre compte que on est complètement dépendant de notre environnement, de nos voisins, de tous les commerçants du quartier, de tous ceux qui travaillent uniquement et qui commutent dans le quartier. C'est absolument fondamental. Vous, à l'époque, vous travailliez avec Make Sense à l'empathie. Et aujourd'hui, on a des exercices obligatoires d'empathie tous les mois en France, tu le sais. Et donc, moi, je me rappelle parce que déjà, on expérimentait ça à l'époque avec les services civiques chez Unicité, parce qu'on travaillait avec des personnes qui étaient réfugiées ou d'autres qui étaient en situation de handicap. Donc, on les obligeait, par exemple, à traverser Paris dans un fauteuil pour se rendre compte de l'enfer que c'était, à quel point Paris s'est pas adapté. Il n'y a aucun bateau sur les trottoirs, comme on les appelle. Rentrer dans un restaurant, c'est un calvaire. On fait des exercices qui sont vraiment très bizarres. Par exemple, je pense à celui-ci qui est de suivre, alors dit comme ça c'est un peu bizarre, mais de suivre une femme dans la rue un peu éloignée pour se rendre compte à quel point c'est difficile d'être une femme dans l'espace urbain, à quel point c'est les femmes qui doivent toujours changer de trottoir ou creuser un peu l'épaule quand il y a un homme qui arrive, se rendre compte de toutes les sollicitations qui ne sont pas demandées. On fait l'exercice avec des personnes racisées. Il y a plein de connexions comme ça pour qu'on se rende compte ce que c'est d'être dans la vie des autres. Ça a tout changé aussi dans notre regard de l'autre et de ses différences. C'est surtout ce qui a permis de mettre en place aujourd'hui notre service de société mensuel. C'est que moi, là, aujourd'hui, je suis là, mais normalement, une fois par mois, et c'était aujourd'hui, j'aurais dû faire mon service de société mensuel. Ah la vache. C'était pour la bonne cause. Mais normalement, aujourd'hui, j'avais ma journée éboueur. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, une fois par mois, je fais ma journée éboueur. L'année prochaine, a priori, ce sera plutôt d'aller dans un EHPAD, m'occuper des personnes. Je serai formée au début et j'aurai mes 12 jours où je pourrais justement accompagner des personnes âgées dans des maisons de retraite ou des EHPAD. Je pourrais aussi travailler notamment sur la question au niveau de la RATP, de pouvoir travailler sur le service de sécurité ou de ticket des usagers. Nettoyage des espaces urbains, entretien des parterres de fleurs. Et ça a quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, ça a vachement permis de pouvoir changer notre regard sur ces métiers, changer notre regard sur la façon à laquelle juste on jette, on nettoie. Enfin, moi, je me rappelle, depuis 3 mois, là, quand je nettoie une fois par mois les rues de Paris, je peux t'assurer que maintenant, quand je vois quelqu'un qui jette un papier, j'ai envie de lui sauter au cou. Mais ce que je fais, c'est que je lui souris, parce que maintenant, on est dans une société du sourire. Et je vais le voir et je lui propose justement d'aller le jeter. Et je sais que quand il aura fait son service éboueur, à mon avis, ce sera un peu différent. C'est sûr que ça va tout changer. Moi, j'ai vu passer le grand appel, là. Tu sais, les ONG, maintenant, vont plus dans les pays dits du Sud, mais elles vont dans tous les lieux anciennement d'exil fiscal. Et donc, il y a tout un projet, Bahamas, par exemple, Help Monaco, où là, on va voir les personnes qui étaient anciennement millionnaires, milliardaires et qui sont en déprime totale de devoir se réinventer, de recréer du lien, tout ce qu'elles n'avaient pas appris à faire en fait. Et donc il y a des programmes d'aide au développement humain qui se font dans ces endroits-là. J'hésite à y aller. Je sais pas. Mais si t'as vu que sur le yacht pas. De Bernard Arnault, maintenant c'est un yacht qui accueillait les migrants en Méditerranée. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il fait c'est des tours. Il est incroyable. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, il a bifurqué Bernard. Hein. Il a complètement bifurqué. Franchement, c'est fascinant. Moi maintenant, je le suis sur les réseaux. Il m'inspire. Influenceur solidarité. Complètement. Bien sûr. C'est après, ça a été, enfin, le moment où on a commencé en fait à taxer les multimilliardaires et en fait à faire en sorte que plus personne ne puisse gagner plus de 10 millions par an, ce qui était déjà, moi je pense que dans le futur on reviendra à 1 million, mais bon, on est qu'en 2032. C'est ça, hein, dans le futur on a dit qu'1 million on gagnait le capitalisme. Il y avait une grande soirée qui se faisait sur la place du village où on dansait tous et toutes autour de la personne qui avait 1 million en lui disant t'as gagné, t'es incroyable, t'as gagné, et puis après tout le reste s'était mis au pot commun. Exactement. Il me semble que c'est ça, ouais. Je crois qu'on a décidé Ce qui était déjà le cas aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un plafonnement où au-dessus d'un million de revenus, je crois que c'est plus à l'époque en l'équivalence, on taxait déjà. Et en fait, on est revenu à ça, malgré l'image des US qui ont toujours été un Eldorado. Ce n'est absolument pas le cas. Et justement, grâce notamment au Brésil qui avait commencé à taxer les ultra-riches, c'est arrivé en Europe, heureusement. Et maintenant, Bernard, ça lui a changé son quotidien. Tu sais que je disais cette interview justement de Bernard qui avouait qu'en réalité, le moment où il s'est vraiment dit qu'il ne pouvait plus continuer comme avant, c'est la conversation un matin au petit déjeuner avec son petit-fils. Il lui a dit « Papy, à quoi tu sers ?» Et en fait, il n'a pas été capable de vraiment répondre. Quand il a dit « Mais si, tu sais, je fais de la croissance et tout ça. » Et que son petit-fils ne comprenait pas en lui disant « Mais finalement, à quoi tu sers, papy? Vraiment, à quoi tu sers ?» Et qu'à force de 5-6 questions de son petit-fils et de lui dire à quoi tu sers, et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de réponse viable à apporter. Là, c'est apparemment l'un des points de bifurcation de sa vie. Nous, c'est ce qu'on continue à faire avec l'association Make Sense aujourd'hui. On continue de sensibiliser en fait des milliers et des centaines de milliers, notamment de jeunes et d'étudiants dans les écoles, parce que c'est eux en fait qui continuent d'aller challenger leurs parents. Et ça a toujours été un effet absolument transformateur majeur, et c'est ce qui a vraiment permis ces dernières années de faire bouger les lignes, et surtout ce qui va nous permettre dans le futur de continuer à les faire bouger, parce qu'on sait que On a gagné des batailles, mais qu'il y en a encore à gagner. Moi, je pense que sur la question énergétique, par exemple, on n'est pas encore allé au bout. Aujourd'hui, on continue d'avoir des entreprises énergétiques qui n'ont pas été européanisées, alors qu'on devrait proposer, c'est ce qu'on va essayer de pousser pour les 5 prochaines années, mais que l'Union européenne rachète Total. Aujourd'hui, c'est 200... Enfin, oui, c'est-à-dire aujourd'hui, et ça depuis déjà 5 ans, c'est 200 milliards de subventions directes et indirectes qui continuent d'être données au secteur des fossiles. Il faudrait la moitié pour racheter Total. En un an, hein. C'est 200 milliards par an. En sachant que les Français en épargne, si je ne dis pas de bêtises, ont 400 milliards. Quelque chose comme ça. Donc, c'est large. Je crois qu'il y a le grand plan rachetons Total, hein, d'ailleurs. Il y a le grand plan rachetons Total. Ça a été notamment porté, d'ailleurs, par une eurodéputée qui s'appelait Marie Toussaint. À l'époque. Eh oui. À l'époque. Ça commence à faire son petit bout de chemin dans la société. Et pour moi, maintenant qu'on arrive justement à avoir réglé la problématique aussi du sans-abrisme, qu'on a retrouvé une forme de joie, il faut aussi qu'on règle la problématique énergétique qui n'a pas encore été taclée et qui reste notre prochain talon d'Achille. C'était ma question, justement, tu as commencé à y répondre, mais j'aimerais qu'on creuse un peu ce dernier axe, de où s'engage, où va creuser, où va poil à gratter, make sense, puisqu'à un moment, ça a été de créer la conversation, à un autre, ça a été d'empuissanter, après, ça a été de prendre soin. Là, tu disais, c'est maintenant déporter les conversations dans les endroits où elles n'ont pas encore trop eu lieu, donc on imagine bien les petits déjeuners, justement, avec les parents qui n'ont pas du tout décidé d'avoir une conversation sur l'égalité des genres ou notre empreinte carbone, mais vous formez les jeunes pour qu'ils ne lâchent pas leurs parents. Hein, exactement. C'est ça, ça s'appelle On lâche rien d'ailleurs, on cette lâche campagne. Rien, tout à fait. Vous avez d'autres choses comme ça que vous faites ? On travaille aussi avec tous les milieux artistiques, parce qu'en fait, la bataille, elle est culturelle. Et donc, il faut continuer de pouvoir changer les imaginaires et pouvoir continuer d'apporter un certain nombre de documentaires, livres, vidéos qui contribuent justement à pouvoir nous faire gagner les batailles à venir. Donc, vous êtes devenue maison d'édition contre Netflix. Ah oui, c'est ça. On forme et on accompagne école de justement. Scénariste. Exactement. On travaille avec Cyril Dion là-dessus d'ailleurs, sur comment tous les acteurs aussi de la publicité. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a eu certaines lois qui nous ont aidés à interdire toutes les publicités nocives. Mais maintenant, après l'interdiction, il faut qu'on passe à la désirabilité. Et donc, même si on est content qu'il ne puisse plus y avoir notamment de publicité pour le transport aérien aujourd'hui, qu'on a évidemment sur les notions d'alcool, évidemment aussi sur toute la fast fashion, tout ça a été interdit. Mais par contre, il faut qu'on puisse créer plutôt un avantage pour toutes les structures qui vont, toutes les structures de l'ESS puissent justement être bien mieux valorisées aujourd'hui grâce à la publicité. Les fameuses licornes. Hein, exactement. Et dans des espaces qui sont définis. Parce que heureusement, ce qui s'est passé notamment à Grenoble a été généralisé. Donc on a plus de publicité dans l'espace public, mais on en a encore dans quelques endroits malgré tout, et c'est dans ces endroits-là qu'il faut absolument pouvoir changer les imaginaires. Ouais, les panneaux d'affichage publicitaire, où on sait exactement qu'on peut aller à des endroits pour trouver la exactement. Réclame, hein, comme on l'appelait à l'époque. La question que j'ai pour toi, Léa, c'est peut-être la plus difficile, mais maintenant que j'ai dit que c'est la plus difficile, ça va le devenir en plus, donc je le fais advenir, ça. C'est le caractère performatif de nos paroles, des fois. Tu fais quoi, toi, en 2030 glorieuse, à part vivre du coup à la campagne, comme tu le disais, je suis encore à Paris. Ah oui, Qu'est-ce que je fais moi dans 2030 glorieuse ? Qu'est-ce que je fais moi ? C'est une bonne question. Moi, je continue en fait. Moi, ce qui me porte, c'est le sens, apprendre et les personnes avec qui je travaille. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je me sens portée par la mission qu'on déploie avec Make Sense. On va encore plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer, ça c'est génial. Et puis surtout, on a continué de recruter une équipe de personnes qui sont engagées, qui sont déterminées et dont j'apprends en fait tous les jours. Et ça me stimule. Et en parallèle, un jour par semaine, j'étais aussi élue à la municipalité dans le 20e arrondissement. Et donc, je m'occupe aussi des sujets solidarité au niveau de... Ça fait partie du grand service démocratique ou c'est exactement. Une autre... Ah oui, c'est ça. Exactement. Et donc, ça a été lancé l'année dernière. Donc, ça me permet de m'occuper une journée par semaine sur mon territoire et 4 jours par semaine à continuer de promouvoir cette économie qui nous transforme. C'est fou parce que malgré toi, tu es un peu une sorte d'entre-deux entre les générations. Je ne sais pas si tu te souviens, mais nos grands-parents, eux, pouvaient dire que parfois, ils avaient travaillé toute leur vie dans la même boîte. Mmh, tout à fait. Et puis ensuite, la mienne, celle de mes parents, on a été un peu plus perdus, a beaucoup changé. Et toi, tu fais partie... encore plus avec la jeunesse qui vient de ces nouveaux exemples de personnes qui sont à nouveau capables de s'engager sur le même sujet avec la même plateforme, la même organisation. Mais c'est pas le même sujet. Ouais, c'est ça. C'est pas le même sujet. En fait, Maxen, c'est une plateforme, c'est un collectif. Mais ce que je faisais quand j'avais 25 ans, tête brûlée, naïve, en pensant qu'on allait changer le monde en 2 ans et aujourd'hui, 20 ans après, bah, c'est plus du tout la même chose. Ça vous aura pris 22 ans, en fait, c'est ça? Exactement. Et en fait, les personnes avec qui je travaille au quotidien sont plus les mêmes. Les sujets sur lesquels on travaille sont plus les mêmes. Je pense que j'ai gagné en sagesse et en maturité. Par contre, j'ai encore 1000 choses à apprendre. Et moi, ce que j'aime, c'est continuer à être stimulée. Et ça, c'est un bonheur au quotidien d'être dans une organisation où il y a de la bienveillance, où on apprend. En fait, nous-mêmes, on est un laboratoire de pratique. On l'a toujours été, on continue de l'être. Et donc, ça nous permet d'expérimenter des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de travail. Et c'est toujours comment on reste précurseur avec un temps d'avance. Les personnes qui nous écoutent dans leurs oreilles, là, elles ont leur cœur battant en se disant « Mais moi, le monde de Léa, je veux le voir advenir maintenant. » À toutes ces personnes en 2025, qu'est-ce que tu leur conseilles comme pas supplémentaire à la fin de cet épisode pour justement que là, les 2030 glorieuses qu'on a révélées ensemble, elles adviennent sans attendre? Pour moi, il faut qu'elles définissent une cause, un sujet qui les tienne à cœur, qui les prend aux tripes et qu'elles s'engagent dessus de façon... Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, ça va dépendre du sujet, mais il faut s'engager dans des associations. Ah oui, si le bénévolat. Avec le bénévolat, c'est la première étape. Si on en a la capacité, mettre sa vie professionnelle aussi au service de cette thématique-là. Si on en a la capacité, embarquer surtout autour de soi d'autres personnes, encore une fois, de façon patiente et bienveillante et non pas de façon imposée. Mais comment on arrive à faire en sorte que son entourage aussi prenne conscience du problème puis puisse aussi s'engager. Et si chaque personne qui nous écoute arrive dans les deux prochaines années à embarquer 10 autres personnes sur la cause qui les tient à cœur, que ce soit l'égalité des chances, que ce soit l'alimentation durable, que ce soit le bien vieillir, etc., etc., eh ben, on va faire bouger les lignes. On sera des millions. Et ça, ça tombe bien parce que des fois, on se sent un peu démuni, un peu tout seul, un peu trop fragile face à ce monde immense. Et en fait, la réponse, c'est de le faire collectivement. Et exactement. Il est assez possible que là, toutes les personnes qui nous écoutent dans un rayon de 50, 100 kilomètres ont un groupe Make Sense. Je ne sais plus comment s'appellent vos les rencontres. Hotspots. Voilà, les hotspots. Parce qu'à un moment, vous aviez le vocabulaire des gangsters. Hein, c'est ça. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a des rencontres. Hein. Je suis sûr qu'il y a... Et sinon, en ligne, il y a la communauté paumée. Enfin, il y a forcément un endroit où vous pourrez trouver un espace collectif pour le faire. Et ça, le collectif, ça fait partie de la réponse, tu l'as exactement. Dit. Sur Job That Makes Sense, il y a toutes les formations pour se former professionnellement et pour trouver des emplois à impact. Et ensuite, sur nos sites makesense.org, on a des dizaines de programmes. Mais vraiment, nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on vous permet de trouver des actions, mais surtout des coéquipiers pour le faire. Il faut justement, on n'en a pas suffisamment parlé finalement, mais en fait, pour que l'action, elle soit durable et pour qu'on puisse s'engager dans la durée, il faut le faire avec joie. Il faut le faire avec plaisir. Ça ne doit pas être un sacrifice et le moment painful de votre journée ou pénible si pour éviter pas. Les anglicismes. Ouais. Ça ne tient pas. En fait, on veut créer un monde désirable, donc le chemin compte. Et donc, le faire avec des personnes qu'on aime, avec des personnes qu'on apprend à aimer et dans la joie, c'est la base en fait. Et c'est ce que tu fais tous les jours et tu nous l'as bien dit. Exactement. Merci Léa. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais on s'y attelle. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.